attention qu'il faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Il faut y aller doucement si tu veux ménager ton canasson. Je suis un timide, maladif, comme une anguille cachée sous les récifs. Tu ne peux pas m'avoir comme ça, à coup de sourire, non, à coup d'état. Je me retrouve bien en peine, avec des tonnes de je t'aime. Que faire, que faire, que faire, que faire. On n'a même pas consommé le premier verre, que faire. Un peu trop tôt pour parler d'amour, un peu trop tôt pour parler tout court. Un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots. Tu dis que c'est démodé. Je dis juste qu'il faut patienter. Apprendre à se connaître avant de se griffer le dos. Attendre pour atteindre l'instant confidentiel. Qui parle de vrai, c'est vrai qui parle de beau. De ton souffle sur la bougie. De nos deux corps en un corps, une seule vie. Un peu trop tôt pour parler d'amour, un peu trop tôt pour parler tout court. Un peu trop tôt, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Je suis sans doute d'un siècle passé, on m'a toujours appris à respecter. Pas de speed date pour moi, moi qui suis maladroit. Pas de speed date pour moi, pas de gang bang non plus. Ah, bien entendu. Alors le sexe le premier soir, y a pas beaucoup d'espoir. Un peu trop tôt pour parler d'amour, un peu trop tôt pour parler tout court. Un peu trop tôt, un peu trop tôt.